des si frustrés, des ça frustrés. Il y a toutes sortes de frustrations dans toutes les professions. C'est pénible que ce soit à la fin du 20e siècle qu'on découvre que c'est qui se passe. C'est mauditement pénible que ça va qu'on y fasse. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est pas pour toi. Mais faut y passer pour le comprendre. Faut le savoir pour le savoir. Faut le savoir pour le savoir. Faut le savoir pour le savoir. Faut le vivre pour le savoir. Dans notre ego. Si tu le vis, tu peux le vivre pendant bien des années. Sans le savoir, justement. Ouais, tu peux le vivre pendant bien des années quand, tant que tu ne sais pas, et après ça, si tu le sais, tu le vis pendant une certaine période de temps encore, mais le sachant. Mais tu ne vis plus de la même façon. Puis tu n'en souffres plus psychologiquement, mais tu en souffres vibratoirement. C'est la souffrance vibratoire de frustration qui est essentielle. C'est comme marcher sur le lit. Faut que tu marches ses clous pour renforcer tes clous. Si tu ne marches pas ses clous, tu ne renforces pas. C'est un petit peu la même chose. Faut que tu souffres du traitement de frustration pour participer à l'énergie bénéficier de l'énergie du travail de l'âme sur l'ego. Parce que nous autres, on appelle ça frustration, mais dans le fond, c'est le travail de l'âme sur l'ego. Quand tu commences à comprendre la frustration, c'est le travail de l'âme sur l'ego, tu commences à comprendre autre chose. En profondeur, puis essentiel, puis assurant. Là, ça va, au moins que ça. Avec son écho,